Bon, alors, bienvenue dans notre nouveau podcast Podcorn spécial Halloween. Aujourd'hui, on va parler de films d'horreur, principalement. D'horreur de films, selon les cas. On a Héloïse avec nous. Oui, bonjour. Julia. Salut. Émilie. Bonjour. Et moi. Voilà. Et bonjour. Bonjour. Voilà. Merci. Bon, on attaque directement avec Héloïse qui a regardé Braindead. Oui. Sur ma recommandation. Tu peux nous le pitcher, s'il te plaît? Misère. Ce fut une catastrophe ambulante qui m'a donné envie de vomir pendant plusieurs fois dans le film. Qu'est-ce que je peux vous expliquer sur ce film? En fait, à la base, c'est deux explorateurs qui vont sur une île appelée l'île du crâne et ils veulent aller récupérer un singe rat pour le ramener dans un zoo en Amérique, à Wellington. Et le problème, c'est que ce rat, quand il mord quelqu'un, cette personne devient infectée et se transforme en zombie. Donc ce superbe singe rat d'une valeur artistique et esthétique absolument exceptionnelle est ramené du coup aux États-Unis et notre héros principal qui s'appelle Lionel, qui vit chez sa mère, va se promener avec une latino-américaine dans le zoo. Et le problème c'est que sa mère, elle ne l'accepte pas du tout, du coup sa mère va aller les suivre dans le zoo pour les espionner. Et la mère va se faire mordre par le singe rat. Du coup, s'ensuit toute une histoire autour de la transformation de la mère en zombie et sur la contamination de quasiment toutes les personnes qui vivent dans la ville. Voilà. Ok. Alors, par contre, je crois que Wellington, c'est en Nouvelle-Zélande. Ouais. Enfin, presque pareil. Et la latino, comment elle s'appelle? Paquita. Elle s'appelle Paquita. Voilà. Non, c'est important de le dire, Paquita. Ah, ça. Mon petit prénom. Ah, ouais. Super petit prénom. Lionel et Paquita. Bon, et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était sanguignolant, ça volait de partout, des morceaux de bras, des morceaux de jambes. Non, en soi, il y a certaines scènes quand même qui étaient assez comiques, comme le curé qui va se battre contre les zombies. Au moment où il doit se battre contre les zombies, il dit « Attention, le diable est parmi nous, ça nécessite l'intervention du divin », et au final, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait des arts martiaux, il fait des prises de coups. Ah oui, il le fait bien. Ah, il le fait bien, il se bat bien, ça c'est sûr. Et puis, pas d'autre encore. Après, il y a quand même un aspect assez malsain dans ce film. Malsain dans le sens où l'oncle de Lionel, qui va toujours être bah, justement dans le dos de Lionel pour essayer de récupérer un maximum d'argent possible suite au décès de... pseudo-décès de la mère, il va être très présent et assez... comment dire... Il va insister sur le fait, pour essayer de récupérer, comme je disais, le plus d'argent possible, et... je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, juste, quand on voit le mec arriver, on sent qu'il y a quelque chose qui nous met pas très à l'aise, en fait. Bah, qu'il est un peu dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'il essaye de se faire la pauvre Paquita qui a rien demandé à plusieurs reprises et puis il croit que Lionel regarde le porno de la bonne avec un âne aussi. Ah oui, oui. C'est des goûts particuliers. Ah oui, ça c'est. Oui, voilà, donc il s'imagine que il va regarder un porno et alors qu'en fait non, c'est juste le zombie curé et le zombie infirmière qui sont en train de se le forniquer sur la table de où ils étaient censés en train de manger. Ça a l'air sympa, ouais. Ouais. Je l'ai pas vu, moi, j'ai eu cette chance. Mais il faut regarder ce film. Ah, mais il faut le voir. Il faut le voir, il est mythique ce film. Après, bon, ça en gros, c'est que les petits moments. Après, il y a au tout début du film, quand il y a seulement la mère qui est infectée, alors elle a une espèce de blessure purulente sur le bras. Cette blessure sur laquelle elle va appuyer, ça va tomber dans la crème anglaise d'un invité qui est chez elle, à sa table à côté d'elle. Ça va. Bien sûr, le joli mélange ketchup mayonnaise qui va tomber dans la crème anglaise, ouais. Et qu'il va manger. Déguster. Sans se rendre compte. Je cite « Oh, puis elle est onctueuse, elle est légère, cette crème anglaise. » Voilà, très appétissant. Et... ouais, puis après, comme je disais tout à l'heure, ouais, il y a vraiment une profusion de sang partout, surtout à la fin du film, des bras, des jambes qui volent de tous les côtés, enfin, ça va un peu dans tous les sens. À la tondeuse. À la tondeuse. Oui, parce qu'il a trouvé l'excellent moyen d'essayer de tous les réduire en purée à coups de tondeuse à gaz. C'était pas bête. C'est efficace. Ah non, je suis très déçu parce que le bébé n'a pas péri dans le mixeur. Quel bébé? C'est important de préciser d'où il vient, le bébé. Oui, le bébé qui est né de, du fornicage entre le curé et l'infirmière sur la table du salon. Après une gestation d'une une petite journée. Bah, même pas, ouais, une demi-journée, puisque le soir même, il était sorti du bidet. Ouais. Il est véloce, en plus. Il est très moche. Ah, oui. Très éveillé. Très éveillé pour son âge, c'est vrai. Très éveillé pour son âge. Oui, un bout de deux jours, il marche déjà. Il court. Oh putain. Il a déjà ses dents. Il a ses dents. Les cheveux. Il est bien, en fait, cet enfant. Il a qu'un œil. Il n'y a pas qu'un œil, il y en a un qui est juste un peu fermé. Il est un peu fermé. Bah, est-ce que tu conseillerais le film ou pas, alors? Pour les gens qui sont un peu délicats, un peu sensibles, non, pas de trop. Après, c'est vraiment un film à prendre au deuxième degré, quoi. Il y a tellement de sang et de conneries comme ça qu'au final, de toute façon, ça fait pas crédible. Donc, moi, pourquoi pas? Vraiment, pour quelqu'un qui a plus rien à voir et... quand même, hein, je trouve sévère. Ouais, du coup, qui d'autre l'a vu à part Héloïse? Émilie? Non, j'ai pas vu, non. Bon, Julien? J'ai vu plusieurs fois. Ouais, et toi, dis, qu'est-ce que t'en aurais pensé? Grand fan, moi. Moi, j'ai adoré. L'humour, c'est décalé, quoi, pour regarder ça. Ah oui, oui. Il faut avoir du recul, quoi. C'est pas un film d'horreur, c'est vraiment, pour moi, un film comique gore. Quoi. Voilà. Non, c'était... Moi, ça m'a fait marrer. Je l'avais vu avec des potes, avec plusieurs amis de ça, on s'est bien marré. Et ouais, c'est... faut le voir comme ça. Peut-être pas le voir tout seul, je sais pas. Ah oh non, ça fait pas peur du tout. Non, ça fait pas peur, mais tout seul, ça fait moins rigoler aussi. Voilà, ça fait moins rigoler, oui. C'est mieux de le voir à plusieurs, effectivement. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu il y a presque 20 ans, je pense. Après, ouais, bon, je trouvais ça un peu limite quand même, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments qui sont assez drôles, dans le sens où, à un moment, au fur et à mesure du film, il y a un peu plus de contaminés, on zombies. Et à un moment, il se retrouve avec, dans sa maison, 4 contaminés. Et en fait, eh ben, il va leur servir à manger à table, alors que les contaminés menacent à chaque fois de se foutre sur la gueule et de s'attaquer à lui, quoi. Donc il les sert à table, avec leurs petites assiettes, un macaroni avec du sédatif dedans. Après, il va récupérer le bébé pour aller le promener dans une poussette dans un parc. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que... Ben, en fait, quand on voit avec le point de vue du bébé, il y a un grillage en barbelé dans la poussette pour éviter qu'il foute le camp. Non, c'est des petits détails comme ça en fait qui ont fait que c'était quand même, c'est vrai, pas si mal que ça. C'était rigolo. Ah, c'est super rigolo. Le film de Peter Jackson. Bah, je pense, ouais. Et Bad Test, c'était pas mal, mais c'était moins rigolo. Ce qu'il a fait derrière, ça change quand même. Ah, c'est pas mal, Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Ah oui, non, mais je dis pas ça. C'est juste pas mal. C'est autre chose, quoi. Undead, ça pète. Bon, bah merci Louise pour Brain Dead. Quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai pas regardé. J'ai compris qu'il était assez vieux quand même comme film. Ouais, 93 jours. Et du coup, j'ai pas fait attention, il est sorti à quel moment par rapport à Alien? Oh, après, bien après. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une petite référence à un moment. Il y a un des gars qui se fait carrément démembrer, en fait, il y a tous ses viscères qui se promènent. Et il rampe au sol et à un moment, il se jette au visage du héros, de Lionel. Et je disais, ça me faisait un peu penser au Facehugger, en fait. Ouais, c'est bien possible, oui, parce que Alien, c'est 78, si je m'avance pas, et ça, c'est dans les début 90. Donc, je pense que, ouais, c'est possible. On a les viscères qui s'expriment en pétant. Oui. Parle par le sphincter. Oui. Grand moment. Effectivement, un moment, il a pété. Il s'exprime. Il a pété alors que le mec est décapité. Voilà. Ouais, c'est bien de finir sur cette note-là. Côte d'humour. Voilà. Voilà. On this picturesque block, in this manicured home, something evil, something terrifying, something horrifying is haunting Lionel. His mother. I thought I told you to spray this house. The place is infested with vermin. Although she was a little strict. Look at this dust. It's an inch thick. He never wished her any harm. You look after me. Until... Your mother's dead, Lionel. Now, whatever Mom's got... Where's your mother? has caught on with the neighbors. She's been bitten! You know what that means? You can pray. Oh, I kick ass for the Lord! You can plead. You can beg for mercy. Help! Someone! Please! But nothing you can do will stop. Because how do you kill something that's already dead? Trimark Pictures presents a modern masterpiece of horror. Your mother ain't my dog! Dead Alive. Party's over. Ensuite, de mon côté, j'avais proposé le film The Descent à Emily. Alors dis-moi, si tu peux nous faire un petit résumé, est-ce que t'en as pensé ? Alors, The Descent, l'année, c'est... j'ai pas noté l'année, ça devait être début... Ouais, j'ai 2004-2005. Ouais, début 2000. Donc en fait, ça parle d'un groupe de nanas qui décide d'aller visiter une grotte aux États-Unis. Et donc, après être rentrées dans la grotte, elles s'aperçoivent en fait que personne, qu'elles n'avaient jamais été visitées. Et tout s'écroule, il y a un éboulement et elles se retrouvent coincées dans cette grotte. Et donc elle est censée ne jamais être visitée. Voilà, donc ça c'est pour le pitch. Ce que j'en ai pensé... c'est que en fait on est tenu en haleine un petit peu jusqu'à la fin. Ce qui est très réussi, c'est on perd la temporalité parce que c'est dans le noir total, et en fait on est perdu en même temps qu'elle. Il n'y a pas du tout de repère temporel, donc ça appuie vachement la désorientation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est moi qui te fais rire ? Non, je joue mon carambar. D'accord, ouvre ton carambar alors. Bon appétit. Parfait. Et donc en fait, on s'aperçoit à un moment donné que la grotte est finalement habitée de... Alors ils appellent ça des crawlers. Hein. Donc des espèces de monstres qui sont aveugles. Et donc ça va être un peu le... Elles vont essayer d'éviter en fait de se faire bouffer, et comme on est dans le noir et qu'ils sont aveugles, on a un espèce de silence qui s'opère dans le film. Donc c'est bien angoissant, ça fait un peu huis clos. Là-dessus, j'ai bien aimé. Alors malgré qu'on soit dans le noir, il y a aussi des couleurs. Il y a quand même une couleur de film. Elles ont des fumigènes, des torches, c'est à la fois, il y a du bleu, il y a du vert, enfin, on a vraiment des ambiances de couleurs, ça réchauffe, soit ça refroidit un peu le film, donc on a des sensations au niveau des couleurs. Donc, les claustros, s'abstenir, surtout. Ce que j'ai moins aimé, c'est justement comment on perd un peu cette temporalité. L'héroïne, donc c'est une blonde, et en fait au début elle est super angoissée, le film démarre par un accident où elle perd son mari et son enfant dans un accident de voiture, et en fait elle est déjà, donc ça fait que un an qu'il s'est passé ça, et donc elle est encore en dépression, et en fait on s'aperçoit tout au long du film qu'à la fin c'est une guerrière, qu'elle a tout pigé au truc, elle se transforme en tueuse, c'est par le temps qu'elles sont là-dedans, je sais pas, ça peut-être une journée, c'est hyper bizarre en fait de l'avoir comme ça. Et puis, oui, il y a des scènes de combat avec les crawlers qui sont limite visibles. C'est un peu le foutoir, quoi, au niveau... on ne sait pas qui prend la domination de qui. Enfin, c'est un peu le foutoir. Et donc, alors, il y a deux fins, en fait. La fin française... La fin quasiment mondiale, en fait. Voilà, ouais, la fin quasiment mondiale de ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde, finalement... est condamnées. Il y en a déjà pas mal qui sont mortes. Et donc cette blonde, on la voit dans la grotte et elle peut pas en sortir. Et du coup, le point faible, c'est qu'ils ont fait une autre fin, donc la fin un petit peu moins répandue, où elle arrive à sortir donc à l'extérieur. Et là, ils ont fait le Descent 2. Et alors, le Descent 2, c'est une daube finie. Donc, ça n'a plus rien à voir. Les personnages sont décousus. Ils reprennent même des scènes de la une. On voit bien que c'est même pas la même couleur de film. C'est pas la même façon d'être filmé. Et donc, ils ont chopé carrément. On dirait qu'ils n'avaient pas de budget. Enfin, que c'était tout pourri. Et voilà, donc c'est ce qui... Faut pas regarder le 2, faut rester sur le premier, qui est quand même pas mal au niveau angoisse. Enfin, ça m'a tenue jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Et sinon, qui l'a vu Je m'en souviens plus, il me semble l'avoir vu une fois déjà, mais ça m'avait pas spécialement marqué plus que ça. Non, ouais, ça m'avait pas marqué plus que t'as ça. T'as pas marqué c'est pas... Bah, le fait de pas voir grand chose en fait. Ouais. Moi, ça me saoule. Quoi. C'est autant voir de. Oui, c'est le fait que ce soit bien. Si c'est pour voir une dent ou une griffe. Mais tu vois, par exemple, dans le 2, on voit tout, mais on voit surtout que c'est mal fait. Ouais. Quand ouais, on voit les couleurs, on dirait qu'il y a des néons. On dirait qu'ils ont des grottes avec des néons. Ouais, enfin, ça, c'est hyper. C'est pas du tout crédible en fait. Là, ce qui était sympa, c'est vraiment. On est enfermé un peu avec elles. Elles évoluent, elles. Elles se rendent compte qu'il y a des tas d'ossements, donc forcément, c'est pas la première fois que ça a été visité. Visuellement, ça devait être un petit peu ennuyant. Le début est un peu long. En fait, on s'attache un peu au personnage. Non, on s'attache, c'est-à-dire qu'on raconte un petit peu l'histoire de chacune, comme celle qui a eu son accident. Les personnages sont un peu plantés. Comme ça, dès le début. C'est un peu long à démarrer, mais il dure pas si longtemps que ça. 1h20, je pense. 1h20, donc c'est pas... ouais, j'imagine que 2h, 2h30, ça peut être chiant. Mais c'est... Voilà, la dernière demi-heure, elle est assez active. Et puis la fin, moi, j'ai bien aimé la fin, parce que c'est pas happy end. C'est un peu trash, quoi. D'accord. Et du coup, les... Les crawlers, c'est ça ? Les crawlers, ouais. Tu disais qu'ils étaient complètement aveugles, du coup, ça devait être super chaud au niveau des personnages pour garder peut-être le silence, parce que du coup, ils devaient être super, super doués, qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est ça, en fait, ils avaient tous les autres sens hyper développés, et on les voit même des fois passer à côté d'une nana qui respire même plus, quoi. Enfin, elle est complètement... Et on est en apnée aussi. On se dit, il y en a une, à un moment donné, elle a une montre... qui lui rappelle, à chaque heure ça sonne, et donc elle balance la montre à l'autre bout de la grotte pour faire diversion. On est un peu, en apnée aussi, c'est un peu. C'est marrant. D'où ils viennent ? Ça explique les origines de ça ou pas ? Non, pas du tout. Des crawlers, non. Enfin, on... pas d'explication spécialement. Non. On en a peut-être plus dans le deuxième, justement. Dans le deuxième. À la fin du 2, t'as le twist pourri, en fait, t'as un villageois qui les nourrit. Voilà. D'accord. Une twist de merde, carrément. Oui, voilà, en fait, on sait pas tellement, on s'imagine qu'il y a eu, c'est un peu des extraterrestres, mais des monstres, humains qui ont évolué sous terre en fonction de leur, du climat et de l'environnement. Oui, ils sont adaptés, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Bah, écoute, effectivement, non, je l'ai pas vu non plus, mais c'est vrai qu'il me dote, c'est bien, j'ai pas encore pris le temps de le voir. Bah, évite le 2 après. Voilà. Ouais, voilà, faut éviter le 2. Ouais. Bah, je crois que les séries, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais, il y en a qui passent bien, mais là, celui-là, regarde Conjuring par exemple, le 2 est très bien. Oui. Mais là, celui-là, non, le 2. Non, il vaut pas le coup de perdre son temps. Autant rester sur une bonne note. Hey, give me a smile. Gino, are you sure we're going the right way? I've never been lost in my life. There's only one way out of this chamber, and that's down the pipe. I'm stuck! I can't breathe! Look, Sarah, you have to calm. calm down. I'm coming back, okay? Okay. Okay, move! Now! Now! This is not good, guys. Can we get out of here? Which way? I don't know. Sarah thinks she saw someone back there. So what? I don't think I saw someone. I saw someone! No. You heard something and you saw what you wanted to see. It's the dark. It plays tricks on people. Donc, Julien, toi, tu as eu The Ring. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, The Ring, c'est une histoire basée essentiellement. Et d'ailleurs, c'est le personnage principal pour moi. Alors, c'est pas du tout le personnage physique, c'est une cassette vidéo. Tout tourne. L'histoire tourne entièrement autour de cette cassette vidéo, qui est maudite, puisque les gens qui la regardent meurent au bout de 7 jours. À 7 jours pile, à compter de l'heure exacte. De l'heure où ils ont regardé la vidéo. Okay. Et donc, l'histoire commence par deux filles qui font un peu la fête. Et une des deux meurt, justement, à la fin de la première scène, justement, à cette... Au début, en fait, j'ai l'impression qu'elle était juste morte de peur, en fait. Tu vois, le visage, en fait, c'est les yeux ouverts, le visage à moitié déformé, en fait, tu te dis, bah, elle est juste morte de peur. Elle a juste vu un truc, elle est morte d'une crise cardiaque. Et du coup, là, il y a une journaliste qui a commencé à enquêter sur ces morts. Mais la journaliste, c'est sa tante. Et la journaliste, c'est sa tante, exactement. Et d'ailleurs, c'est pas beaucoup souligné, hein, ça. C'est ils font partie de la même famille. On voit juste l'enterrement à peine. C'est juste dit, ouais, c'est une cousine. Mais vraiment, c'est très. C'est un détail. C'est vraiment un petit détail, ouais, mais franchement, après, il n'y a pas de rapport avec la famille du tout. Après, il passe vraiment. C'est juste que c'est pour ça que l'enquête, quoi. Ouais, ça tombe sur ça. Et puis, l'enquête, ouais. Et puis, du coup, il y a plusieurs adolescents qui sont morts, justement, sur l'île. Parce que c'est sur la province d'Izo, en fait. La province qui s'appelle Izo. Et les morts n'arrivent que là-bas, en fait. D'accord. Ça ne sort pas de cette province. Et du coup, elle enquête. Avec son ex-mari, qui est prof à l'université. Et du coup, il commence à enquêter et à remonter en fait, le fil de l'histoire. Et donc, à identifier cette personne qui est née sur la cassette, qui se trouve être la fille en fait, d'une voyante. Une voyante qui a été soumise à des expériences, cette voyante, et qui a été tuée. Et du coup, cette fille, ils essayent de la retrouver, mais en fait, ils apprennent qu'elle a été tuée en fait par le petit ami de cette voyante. D'accord. Comme si elle devait révéler. Et du coup, un coup de caillasse dans la paillasse, il l'a fait tomber dans le puits. Et il a refermé le puits. Tout est. Et la seule chose, moi, qui m'a. J'attendais cette explication de la création de la cassette. Ils ont juste expliqué que c'est juste. Dixie, le gars, c'est une cassette non humaine. Voilà. Donc, on n'a pas d'explication. On ne sait pas d'où vient cette cassette. Par contre, la fin est pas mal, parce que du coup, ils pensaient qu'en retrouvant juste en fait, l'origine, la fille, en fait. Oui, qu'ils allaient régler. Qui est morte. D'ailleurs, ils ont essayé de vider le puits avec les seaux. Donc, ça prend un peu de temps, déjà. Ça dépend du puits, hein. Ils ont retrouvé entre guillemets le corps Il pensait que la malédiction serait terminée là, sauf que là, son ex-mari est mort, du coup, 7 jours après. Et du coup, c'est là que la journaliste prend conscience qu'en fait, pour arrêter la malédiction, il faut faire une copie de la cassette et la donner à quelqu'un d'autre. Et ça fait passer la malédiction, justement, comme ça. Okay. Donc, chaque personne qui visionne doit faire une copie et la passer à quelqu'un d'autre qui doit la visionner. Oui, il y a tout un rituel autour c'est, de... Et en fait, et d'où le titre, le cercle, parce que ça n'en finit jamais. En fait. Ouais, d'accord. Ça n'en finit jamais. Donc, alors, c'est un film de 98. Ouais. Ça a pris quand même un coup de vieux. Ouais. Le scénario est très bien. Après, moi, je regarderais ça plus comme un X-Files, quoi. Vraiment quelque chose, une petite enquête comme ça, avec une fin... Genre série B. Une fin qui finit plus ou moins bien, quoi. Mais ouais, plus une série B, alors qu'à l'époque c'était vraiment pas mal. Après, on a eu l'habitude de regarder des choses beaucoup plus spectaculaires maintenant, donc ça fait un peu blasé quoi. Et c'était la version japonaise là. C'est la version japonaise, ouais. C'est vraiment la version, la vraie l'original. Version. Et on voit à peine la fille qui sort du puits quoi. On la voit une fois tout à la fin quand elle s'apprête à tuer l'ex-mari. Mais ça fait, on voit jamais son visage, il y a pas de cris. Ouais, ça reste mystérieux. Tu sursautes jamais, quoi. Ouais. C'est vraiment que du mystère. Et voilà, c'est très. Mais bon, pour l'époque, c'était. C'est vrai que pour l'époque. Ouais, c'était il y a 20 ans déjà. Et ouais, il y a plus de 20 ans déjà. Ouais, il y a plus de 20 ans. Et du coup, on en parlait avec Olivier tout à l'heure. C'était un roman à la base. D'accord. Ouais. C'était un roman et c'était une trilogie. C'était une trilogie qui n'avait pas de suite, mais c'était le premier d'une trilogie. Parce qu'il y a aussi une trilogie au cinéma, Ring. Ring 0, Ring 1, Ring 2. Ouais, bon, ça après, mais oui. Non. Mais là, ça n'avait pas de rapport, parce que les titres étaient différents. Et j'avais lu que, du coup, le roman était sorti en 91, et à la sortie du film The Ring, le livre s'est vendu à 3 millions d'exemplaires supplémentaires. D'accord, ouais. Le livre est quand même plus explicatif que le film. Pour le coup, je l'ai lu, ouais, livre est plus... C'est beaucoup plus détaillé. Parce que ça dure quand même 1h15, hein. C'est quand même... Oui, c'est quand même, court. C'est pour ça que ça m'a fait penser, moi, un épisode d'X-Files, quoi. Oui, vraiment oui. Ça comme une enquête, ils auraient mis Mulder à ce livre, oui, voilà, c'était pareil, quoi. Parmi d'autres, ouais. Donc, c'était... Pour l'époque, c'était bien, mais maintenant, c'est vrai c'est un peu vieilli, quoi, ça a quand même pas mal vieilli. J'en ai fait un souvenir quand même un peu plus effrayant. Ouais. Alors, je sais pas si c'est d'être blasé ou pas, quoi. Moi aussi, t'es blasé. Mais sûrement, mais bon, voilà. C'était pas... J'ai dû m'y reprendre quand même à plusieurs passages. J'ai même repassé quelques passages pour être bien sûr d'avoir un peu tout compris. Hein. Mm. Parce que l'histoire, justement, où ils reviennent à l'époque du... ouais, on exhibe la voyante devant la presse, faire des expériences, elle se fait à moitié insulter, en disant que c'était une arnaqueuse, tout ça, c'était un peu compliqué. Là. Mais bon, sinon, ça se regarde bien. Quoi. Ouais. Si on prend du recul, ça se regarde. Parce qu'après, il faut se mettre dans le contexte d'il y a 20 ans. Ah, mais du coup, rien que la cassette vidéo, déjà, c'est... Mais pour aujourd'hui, c'est compliqué de le voir. Ouais, déjà, c'est vrai qu'expliquer le concept de cassette vidéo à quelqu'un... Faut avoir connu l'époque, c'est ça. DVD, ça marche pas. C'est compliqué maintenant de faire ça. C'est pas la même chose quand tu regardes le film sur un DVD, alors qu'à l'époque, le film, tu pouvais le regarder directement. Quand je regarde le film sur cassette, c'est ça qui est flippant. Tu mets la cassette dans le magnéto, tu dis, ah tiens, ils font pareil que moi au DVD. Oh merde. Là, le DVD, ça marche pas. Parce qu'en fait, un petit détail, c'est qu'il y a le téléphone qui sonne. Ouais. Après avoir visionné. D'accord, oui. Le petit coup de stress. Mais bon, ça, là, c'est un petit coup de stress. Ouais. Tu l'as pareil, puis là, peut-être il y a 20 ans, mais maintenant tu vas faire oui, on a tellement vu de choses entre temps que ça aussi. Ça marcherait même pas avec un CD. Alors, c'est un côté vintage en fait. Avec la, ouais, la non, non, c'est... Ouais. Ouais, c'est. Puis avec la culture japonaise. Voilà, qui a une couleur particulière. Ouais, une ambiance particulière, ouais. Etc. Non, ça m'a pas marqué plus que ça. Mais par contre, c'est vrai que le scénario est quand même bien trouvé. Ouais. Bien trouvé. Mais je pense que le bouquin, effectivement, il vaut mieux lire. Maintenant, à notre époque, il vaut mieux lire The Ring que le regarder. Ah oui, ouais. Je pense que le bouquin est bien. Et du coup, t'as vu la version américaine ou pas? J'ai vu la version américaine, ouais, mais il y a plusieurs années. Hein. Du coup, ouais, c'était un peu plus. C'était pas un peu plus flippant, on peut dire ça, mais il y a plus de cris. Et puis la fille qui sort du puits, qui marche lentement vers l'écran, ça, on l'avait, ça. Ouais. Que non, dans The Ring, l'original, on n'a pas du tout ça. On n'a pas ces effets. Si, à la fin. À la fin, elle sort, elle se dirige vers l'écran. Ouais, enfin bon, c'est du. À la sauce, ouais. C'est pas. Tandis que The Ring, enfin, la version américaine. Mais je crois que même dans la version américaine, l'ex-mari se bat avec elle à la fin. C'est un peu ridicule, du coup, ça marche pas. Ouais. Mais bon, après, c'est pareil, c'est pas les mêmes moyens. Ah bon, ça, c'est sûr. Toujours pareil. Après, tu dis, dans la version américaine, il y a plus de cris et tout ça. C'est vrai qu'il n'y en a quasiment pas dans la version japonaise. Mais en fait, moi, j'ai eu l'impression que dans la version japonaise, ce qui parlait énormément, c'était la bande-son. Enfin, moi, à chaque fois qu'il y avait un petit coup de violon, ça me faisait grincer les dents, quoi. J'étais, franchement... Oui, c'était c'est plus subtil. Ah, mais c'était horrible. Ah oui. J'ai pas pu en écouter. Enfin, j'ai pas pu écouter le film comme ça pendant 2 semaines, quoi. Mm. C'était horrible. Ça grince aux oreilles. Et ça te met dans une ambiance, bah, aussi un peu malsaine et un peu... Pesant. Pesant, ouais. Pesant. C'est lourd, ouais. Donc ouais, au final, la nana, je trouvais qu'elle avait même pas besoin de parler ou de gémir ou quoi que ce soit. Enfin, la musique, elle parlait tout seul pour elle. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un peu plus d'action, quand même. Bon, c'est fin, toi. Ouais, ouais. Bah, c'était normal, mais depuis 20 ans, on a des films de plus en plus... élaborés. Où ça bourrine. Ouais. Tu reviens, tu te reprends un film d'il y a plus de 20 ans. Voilà, c'est pas... Ouais, toi, t'es plus dans l'horreur bourrin. Ouais. Tout ce qui est psychologique, ça te parle pas. Tu peux être bourrin et psychologique. Ah ouais. Massacre à la tronçonneuse, ça te parle pas. Mais c'est nul, il n'y a pas d'action, ça, Massacre à la tronçonneuse. C'est ce que je dis. Voilà, c'est... Si c'est pour... tu vois, c'est pareil, si c'est pour flipper, pour faire flipper, genre... T'attends, puis il se passe jamais rien, finalement. Ouais, on n'a pas forcément les mêmes attentes, vois, ouais. Ouais. Voilà, il n'y a pas de... Après, voilà. Tu le recommandes oui et non, alors, enfin... Pour la culture cinématographique, ouais. Si, je le recommande, quand même. Mm. Mais... voilà, c'est le problème, c'est la cassette VHS, quoi. Franchement, aux petits jeunes, maintenant... Qu'est-ce que c'est? Honnêtement, cool, voilà, enfin, ils vont pas voir le truc, quoi. Ouais, ils vont pas... Ouais, c'est à la limite la PlayStation, quoi, tu vois, qui parle. La PlayStation, tu joues la PlayStation. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas une idée, là. Ouais. La PlayStation tueuse. PlayStation tueuse. Tu vois, ça, regarde, il y a un scénario qui est... Ça y est, ça va arriver, ça. C'est trouvé, ça y est. Je crois qu'il y a déjà un film comme ça. Genre, tu mets le jeu dans la PlayStation et là tu regardes le truc, et là au bout de 7 jours, tu vois. Là, peut-être t'as la limite. Il y a un jeu comme ça. Quand tu joues et que ton personnage meurt, tu meurs de la même manière. Enfin, je retrouve le titre du film, mais il y a un film comme ça. Avec Malcolm. Ah ouais, d'accord. Ouais. Faut que je retrouve le titre, mais il y en a un. Et question sur Ring. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Ring? Est-ce qu'il y a des choses qui vous. Vous avez moi vu, je l'ai vu. Vu bah, Olivier, moi je l'ai vu, mais je l'ai pas revu, mais je l'ai vu il y a une dizaine d'années. Il y a longtemps que tu l'as revu là, il y a longtemps. Je l'ai vu il y a même pas 2 mois. Franchement, j'ai adoré. Découverte récente, quoi. Ouais, c'est bon, c'est ouais, tout le temps découverte récente de films en même temps, vu la culture ciné que j'ai, c'est obligé. ouais, non. En fait, c'est vrai que ça fait ultra vieillot, quoi, sur les effets, mais moi j'ai adoré. Je commence à avoir une passion pour les vieux films. C'est bien. Moi, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, peut-être 15 ans, et je ne l'ai pas revu. Je l'ai pas revu, mais j'en ai gardé un bon souvenir, justement, de ce côté un peu rétro, silencieux, enfin, assez psycho, en fait. J'ai bien aimé, moi. J'ai gardé un bon souvenir, mais en le revoyant, j'ai été déçu. Oui, peut-être que je serais déçu, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas... C'est du coup, tu dis du côté rétro, mais si tu l'as mis il y a 15 ans... C'était pas rétro, c'était pas si rétro que ça. Un petit peu quand même, parce qu'il y a 15 ans, le film avait déjà au moins 5 ans, donc c'est un petit peu... Ouais, mais c'est pas très vieux, 5 ans. Ah, par contre, il y a 15 ans, t'étais en plein dans la mode des films de petites filles aux cheveux sales. Il y avait Joan, il y avait Ring, il y avait The Grudge, il y avait tout ça. Ouais, j'étais dans ma période... voilà. Non, c'est Hollywood qui était dans cette période-là. Oui, mais moi, j'ai regardé dans un moment où je regardais que des films comme ça. Ouais. Et en fait, c'est une époque aussi, après... Après, je l'ai pas revu, mais... Parce que j'ai peut-être pas envie d'être déçu, donc je reste avec des souvenirs. C'est vrai que moi à l'époque j'avais bien aimé, mais là rien que de revoir la bande-annonce. Non. Ah oui. on a envie d'autres choses peut-être. Après on a envie d'autres choses. Non mais c'est ouais. On a vu d'autres choses, on a d'autres références. On est... ouais. Bah on a d'autres références culturelles. Ouais. C'est vrai que là le film japonais comme ça là, c'est faut s'habituer. À la même époque, film japonais et Battle Royale, c'est pas du tout le, la même ambiance, non, ni rien. Non, mais... ça n'a rien à voir. Et ça a moins vieilli, Battle ça Royale. Ça a moins vieilli, ouais. Il faut dire qu'il y a quand même un petit peu moins d'effet dedans. Ouais, peut-être. C'est moins psychologique. Ah hein. Oh non, c'est psychologique. Hein. Ouais, mais c'est bourrin. C'est vieux, c'est... psychologiquement, c'est violent. C'est bourrin, il hein. Faut buter tout ce qui bouge et c'est tout. Mm. Oui, mais il faut dire que ce qui bouge, c'est ton copain. T'as été toute l'année à côté de lui en cours, c'est quand même violent. C'est un jeu, quoi. Ça fait jeu sanglant, quoi. Oui, c'est malsain de dire la personne ouais. Que t'as fréquenté, ça se trouve depuis la maternelle, mais il va falloir que tu le tues, sinon c'est toi qui passes. Mm. Normal, quoi. Ça s'appelle l'évolution. On parlait pas de Battle Royale, hein, bon, quand même. Non, c'est vrai. Il est encore sous blister, le... Non, mais c'est parce que j'ai déjà vu un bon nombre de fois, je crois que j'ai même revu au cinéma, entre-temps. Merci mon Julien. Ouais. Oh bah, ça fait plaisir. Parce que bien, c'est qu'on hein, l'a subi ensemble après. Ouais. On s'est un peu fait chier quand même. Ouais, c'est vrai que la deuxième a été une petite déception. T'as pas la deuxième fois, c'est tout de suite. Le deuxième visionnage a été une petite déception, avec la première fois j'avais adoré. Mm. Et pour une fois, j'avais un peu flippé. Enfin, vois, sur le coup, tu fais ah oui, quand même quoi. Puis en fait, la deuxième fois, pas du tout quoi. Non, c'est un peu fait chier. Pas du tout, ouais. Et du coup, ouais, c'est. Voilà, t'es un peu perplexe. Bon, on va le pitcher vite fait quand même, le film. Donc on parle de Lorraine et Ed Warren, c'est des sortes de Ghostbusters des 70s, quoi, avec Pat Def et Cole Pelletarte. Du coup, elle est médium, et lui, démonologue agréé par l'église, donc ce qui est relativement rare quand on n'est pas curé. Ils sont envoyés par l'église justement sur des cas difficiles pour déterminer si c'est réellement une possession ou quelque chose de démoniaque, ou si c'est affabulation, quoi. Et là, il tombe sur un cas, donc c'est une maison hantée, mais je ne sais plus le nom de la famille. En tout cas, c'est une famille avec 5 ou 6 enfants, je crois, que des filles. Et ils emménagent dans une maison qui est hantée par une vieille sorcière, qui a été pendue un siècle avant, je crois, et qui veut à tout prix posséder la mère, quoi. Pour sacrifier les enfants derrière, d'ailleurs. En gros. Ouais, exact. Voilà. Et donc, ce que j'en ai pensé, c'est comme j'ai dit, on s'est quand même un peu fait chier. Pourtant, moi aussi, j'avais de bons souvenirs, mais non, c'est un peu fait chier. Dans les bons côtés, il y a l'ambiance 70s qui est quand même pas mal du tout, qui est assez. Ça justifie le. C'est bien retranscrit. Là, c'est bien, c'est vrai que c'était. C'est pas les mêmes moyens. C'est pas les mêmes moyens, puis surtout, ça justifie le fait qu'il n'y ait presque pas d'électronique, que le téléphone, il y a juste. Je crois qu'il n'y a même pas de téléphone fixe encore, comme ils viennent d'emménager. Enfin, vraiment coupé du monde, du coup, c'est bien justifié par le fait que technologiquement, de toute façon, c'était le cas partout à l'époque. Et la plomberie n'était pas au top aussi, dans les années 70. Voilà, pour le coup, c'est un film de maison hantée qui est plutôt réussi, contrairement aux autres quand même. Parce qu'en film de maison hantée, j'avais pu voir Amityville et un ou deux autres que j'ai oublié depuis. En général, c'est chiant, et là, quand même, c'est un petit peu mieux. Visuellement, déjà, c'est sympa, et puis l'ambiance est bonne, quoi. Le scénario est bon, le montage est plutôt malin. Voilà, donc oui, moi j'ai trouvé le film un petit peu chiant, mais ouais, sinon visuellement c'était bien, dans l'ambiance c'était bien. Ouais, peut-être que je suis un peu bourrin aussi. Ah, ouais, ouais, je vois. Finalement. Par contre, j'ai beaucoup aimé le 2. J'ai revu le 2 dans la foulée. Le 2 fait aussi référence au cas d'Amityville, parce que les Warren ont réellement travaillé dessus. Et voilà, du coup j'ai préféré le 2. À revoir le 2. Ah, le 2, moi, vraiment. Ouais, bien. Le 2, je l'ai pas revu du coup. Ouais. Alors, par contre, c'est vrai que tous les spin-offs qu'ils ont tirés, que ce soit les Annabelle, la Nonne, machin, ça, j'ai pas vu et je suis pas sûr que ça vaille beaucoup le coup, mais bon. Voilà, vu que je les ai pas vus, je vais pas non plus tirer sur l'ambulance. J'ai vu qu'Annabelle 2. Ah, ils ont fait un 2 en plus. Ouais, ils ont fait 2. Il est sorti l'année dernière, 2017. Et donc ouais, et donc, j'avais pas vu le 1, donc j'ai regardé vraiment ça. Oui, mais c'était bien ou pas, bordel, la couche. Bah non, justement, c'était pas mal, oui, mais sans plus, quoi. Ouais. Ah, c'est pas Conjuring. Ouais, Conjuring était mieux, quand même. Ah oui, c'est quand même... Conjuring, c'est pas chiant, mais c'est que... C'est mou, quand même. Je pensais qu'il y avait plus d'action dans mes souvenirs, et finalement, pas tant que ça. Mais par contre, non, tout le film, quand même, tu vois qu'il y a une certaine tension, tu regardes, les bruits, ça grince de partout. Oui, et la cave. Tu sais, le coup, moi, ça me fait délirer, ça. C'est comme personne n'aime beaucoup ce film-là, Paranormal Activité. Ouais. J'ai envie de te caillasser, rien pour en avoir parlé, tu vois. Et du coup, tu sais, la fille qui dort, et elle se fait tirer la jambe. Oui, oui. Et ça, tu dis, putain, mais moi, ça m'arrive. Oui, mais dans le 2, c'est encore mieux. Non seulement elle se fait tirer la jambe, mais elle se fait coller au plafond. Ouais, mais tu vois, c'est ces petits détails, genre, hop, un petit coup, tu sais, et puis elle se réveille. Oui. Mais tu sais pas ce qui se passe. C'est pas les gros trucs. Moi, oui. ce qui est un peu plus flippant, justement, c'est ces petits. Ces petits trucs. Ces petits attouchements qui sont réalistes. Des petits coups, des petits attouchements, merci Julien. Merci au plafond. Tu vois. On parlait pas d'un porno, le plafond c'est moi. Lui il a jamais fait ça. Ah, tu vois, mais du coup, non, moi c'est. C'est pour ça que par dans ma activity, moi j'ai. Ah bah, des petits coups, des attouchements, oui, c'est bien ça. Pour toi ça. Voilà. Ah, Fifi. Viens chercher le bonbon de la popoche. Viens chercher le bonbon. J'enregistre Julien. Oui, mais c'est pas grave, tu couperas. Non, je couperai pas. Les flics qui m'ont frappé maintenant. Tu veux qu'on donne ton adresse tant qu'on y est, t'habites où déjà? Dans le même registre que Conjuring et du même réalisateur, j'avais préféré Insidious quand même. Le premier, juste le premier. Ouais, c'était pas mal. Insidious, ouais. Ouais. Et après aussi, l'autre problème, je trouve, de Conjuring, c'est le inspiré de faits réels. C'est toujours un petit peu crispant pour moi. C'est trop facile. Il suffit qu'il y ait un prénom. C'est ça, juste il suffit qu'il y ait un prénom ou la famille qui dit avoir été victime de possession une fois, c'est bon, on fait un film, on dit que c'est inspiré de faits réels, ça va passer. Ça veut rien dire. C'est un petit peu agaçant. Non, c'est bien édulcoré. Mais la fin de Conjuring 2, t'as quand même des photos. Oui, oui, même la fin du premier. Oui, des deux, là. Oui, oui, oui, oui, parce que les deux ont vraiment existé. Les Warren, ils ont même leur musée, là, le musée qu'on voit dans le film, il existe vraiment. Mm. Mais par contre, en vrai, ils sont pas aussi reconnus qu'ils disent dans le film, quand même. Ça, c'est une évidence, mais. C'est normal. Voilà, l'église n'a jamais réellement fait appel à eux, par exemple. Ils ont été surtout connus pour avoir un peu bricolé les faits d'Amityville dans la réalité pour que ça colle à une possession, alors que ce n'était pas le cas. Voilà. Et ben voilà, c'est à peu près tout pour Conjuring, à mon sens. Du coup, qui l'a vu d'autre, à part Julien, qui a déjà bien donné son avis? Ben, moi, je l'ai vu, du coup, en même temps, il y a 2-3 semaines, là. 2 mois, quasiment, ouais. Et ouais, ça m'a pas fait le même effet non plus que quand je l'ai vu la première fois. Ça m'a. J'ai pas. À part des petits moments, oui, où tu te dis, ah là, tu te rappelles plus en fait. Et. Mais bon, c'est. Ouais, je le reverrai pas une troisième, du coup. C'est vrai. S'il y avait un 3, j'irais le voir par contre. Parce que ça va toujours ensemble. C'est un film qu'on voit mais qu'on revoit pas, quoi. Enfin, ouais. J'ai l'impression. T'as la surprise en moi aussi. Comme The Ring, quoi. Pas comme Branded. Et des scènes, c'est pareil. Tu vois une fois, c'est bon. C'est ouais, fait. C'est ça, ouais, c'est qu'à un moment, quand t'as plus la surprise du truc. C'est ça. Ça te fait plus sursauter. Mm. D'où l'intérêt de regarder des films qui ne font pas sursauter et qui font rire. Du coup, Branded, ça marche. Ceux qui font là, oui. Branded, ça aura toujours envie de vomir. Ouais, c'est ça qui est bien. Bon, faut que je le voie alors celui-là. C'est vraiment celle que j'ai pas vue du truc. Right, it's 9:18. We're headed down into the cellar where the door's just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. Nothing. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. There's someone here that would like to talk to you. There's something horrible happening in my house. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? Whatever Lorraine sees, feels, touches, it takes a toll on her. A little piece each time. You have a lot of spirits in here, but there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Here. That's not gonna help. This thing has latched itself to your family. Father, we never seen nothing like this. I'm coming with you. No way. I can't lose you. There's a lady in a dirty nightgown that I see in my dreams. She's standing in front of my mom's bed. Do you want to see him? Yeah. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Look what she made me do. Donc, ben voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vu qu'on est sur Halloween, c'est quoi, vous, vos films vraiment préférés d'horreur pour Halloween? Moi, j'ai peut-être La Colline à des yeux aussi. Remake ou original? Je crois que j'ai vu le remake, moi. Ah ouais, bah, ça vaut ouais, mieux. Pas mal, ouais. Original, c'est de la merde. Pardon, je n'aime pas. J'en ai pas vu des masses, mais pour le moment, j'ai beaucoup aimé Ring et puis ça. Ça, pareil, remake ou original? Ouais, le remake. J'ai pas vu la mini-série. Qui est tout récent, là. Ouais. Qui appelle une deuxième partie, d'ailleurs. Ouais, avec les adultes. D'ailleurs, je crois qu'ils vont la sortir au mois de février. Oui, possible. Mais c'est pas une très bonne idée, ça, pour la Saint-Valentin, en général. Bah, ça dépend. Voilà. Les poltergeists. Ouais. Ouais. Et toi, alors? Moi, j'en ai pas de préféré. Non, il y en a pas. Ça m'a jamais trop fait flipper ou quelque chose, quoi. Ouais, mais Halloween, ouais. Ça fait pas que flipper. Il y a aussi le côté fun, Halloween. Non, je sais pas, le côté Halloween, je sais pas, moi, le film, je dis Paranormal Activity ou que personne aime, moi j'avais beaucoup aimé. Mais moi j'avais beaucoup aimé, parce que tout le monde disait que c'était. T'as aimé des plans fixes avec quelqu'un qui se coule la couette? Ah, ouais, viens me voir le matin, si tu veux. Et du coup, alors par contre, j'avais filmé, c'est trop bien, projet Blair Witch, mais c'est juste nul à chier. Comment tu peux dire ça alors que t'as aimé Paranormal Activity? Bah justement. Au moins, il y a trois décors en plus dans Blair Witch. Pareil, Blair Witch, faut le voir, quand il est sorti, c'était... Moi, je l'ai vu quand il est sorti, après je suis rentré en coupant à travers des bois, t'inquiète, puis je suis dans ton front. Paranormal Activity, c'est le même esprit. Bah, oui, mais c'était du déjà vu, du coup. 15 000 dollars de budget. Ouais. Ils ont fait que dalle par Paranormal Activity et ça a eu un succès de fou, quoi. Oui, mais c'est pas la même psychologie du truc. Par contre, que Paranormal Activity, tu rentres chez toi, tu dors, t'es pas stressé. Moi, Blair Witch, j'ai traversé les bois après un sens au cinéma, je me suis chié dessus. Et pourtant, au cinéma, par contre, je me suis énervé. Ah, j'avais pas le choix. Toi, ton bois, c'est quand... Je sais que c'est ton travail, un peu. Mais non, mais pas celui-là. C'était à quand? Mais bon, voilà. Non, Non, Blair Witch, quand il est sorti, je suis pas allé voir au cinéma, mais c'est flippant. Enfin, non, par contre, au cinéma, j'ai pas flippé, c'est après. Oui, voilà, c'est l'après, en fait. Parce que c'est très, très réel, quoi. Je sais pas, vous l'avez vu? Paranormal? Activity? Oui, oui, oui. Moi, j'ai aimé aussi, mais je le reverrai pas une deuxième fois non plus. Enfin, c'est pareil, C'est angoissant, quoi. C'est angoissant, tu te dis, ça fait caméra. Mais en soi, j'ai pas de film. Ouais. En plus, ils sont insupportables dans Paranormal Activity et de Gogol. On leur dit, appelez pas les esprits, ils passent son temps à ça, débile numéro 1. Il n'y a pas de film aussi, oui. Ils font venir quelqu'un pour exorciser leur maison, le mec leur dit non, bah, par contre je peux rien faire, par contre ne l'énervez pas, arrêtez de dire son nom. Et le mec, j'ai pas souvenir de la ça, séquence d'après, il continue à l'appeler par son nom 15 fois. J'ai pas souvenir de ça sur le premier en fait. Ah si, c'était parce qu'en fait, à la base, c'est juste en fait le... comme un documentaire, le mec il mettait une caméra et c'est tout. Quoi. Et ouais. T'es sûr que t'as pas vu que la bande-annonce ? Il y en avait, non. Si le film il durait 3 minutes, c'est une bande-annonce. Bah, il y a quelques Paranormal Activity, hein, il y en a 4 ou 5. Ouais, je crois qu'il y en a 5 plus 1, une version mexicaine. Et tu les as tous vus du coup ? Je les ai tous vus. Ouais. Et oh putain. Il y a une version mexicaine aussi, qui est très bonne aussi. Oui, elle a l'air mieux que le reste. C'est très bonne. Et il n'y a pas cette notion de on fait venir quelqu'un, machin et tout. Quoi. Là, c'est vraiment. T'as l'état brut en fait. C'est brut, c'est le mec qui met sa caméra, il se déverre tout seul, et voilà quoi. Et ça part chaque fois en sucette. C'est ce truc, sinon, c'est vrai quoi qu'il arrive, de toute façon, ils vont tous mourir. T'aimes bien quand ils meurent tous, t'en as un coquine. Ouais. Moi, pour Halloween, j'aime bien les détours mortels. C'est cool. C'est con, mais c'est drôle. Vous l'avez jamais vu ? Pas vu, non. Non. Oh merde, c'est comme La Colline à des yeux, mais en version con. Ah, mais c'est peut-être le côté con, du coup. Et parce que La Colline à des yeux, ils sont juste hargneux, les mutants, là, c'est la même chose, c'est des dégénérés. Mais en plus, ils sont neuneux quand même. Enfin, ils sont neuneux. Ils sont pour aider. Pardon, faut pas vexer les neuneux, pardon Julien. Non, les détours mortels, c'est chouette. Sinon, j'aime bien la série H versus Evil Dead. Ça, Halloween, c'est bien aussi. Et les Evil Dead. Il y en a plein qui sont bien. Toi, t'as vu que Paranormal Activity, quoi. Bah, en version japonais aussi, il y a The Eye, qui est pas mal. Enfin, la fille, elle a les yeux. Elle se fait greffer des yeux, là. Elle se fait greffer des yeux. Et il y a eu un remake avec Jessica Alba, ouais, je crois. Exactement. Oui. Moi, je parle encore de la version. Moi, j'ai pas vu la version américaine. Mais la version japonaise, pareil, c'est un peu l'ambiance Ring. C'est très soutenu, très. En silence. Ah oui, ça c'est sûr, pour avoir du silence, on en a du silence. Ouais, mais le silence, c'est bien. Ah, t'as gueule pour voir. Ouais, c'est mieux. Oh, voilà. Bon, ouais, sur ces bonnes paroles. On va tout de suite préparer le prochain. Donc, ce sera. On va thématiser sur Noël. Et je pense que cette fois, chacun va s'occuper de son film. Ouais. Très bien. Bon, bah voilà. Donc Julien, tu nous parleras de quoi pour Noël ? Piège de cristal. Et pourquoi c'est un film de Noël ? Bah c'est un film de Noël. Et pourquoi ? Parce que ça se passe à Noël. Et c'est à peu près tout. Merci Julien. Et puis c'est tout. Parce que Noël, on s'en fout. Voilà. Bon, bah merci Julien. Parce qu'à Noël, il n'y a pas de carambars. Pourquoi ? Bon, on en rajoutera des carambars. Ah, au rythme où il est bouffé, on n'aura plus dans une heure. Hein. Ok, toi Loïse, pour Noël, tu nous parleras de... Moi j'avais pensé à Maman, j'ai raté l'avion. Alors, c'est le premier truc qui m'était venu dans la tête, après. Moi aussi, toi... Il y a un arrangement derrière ou pas. Ouais, ok. Moi sinon, Maman, j'ai raté l'avion, c'est bien. C'est un vrai film de Noël, moi, pour une fois. Et pourquoi ? Parce que ça se passe à Noël, et puis c'est mignon. C'est regardé en famille. Mais alors, Pêche de Christophe, ça se regarde en famille. Ouais, c'est pas faux. Il passera Noël en famille, il fera la fête, il disait. Bon. C'est vrai, c'est un film de famille. Voilà, alors... Bon, et toi, Émilie ? Alors, moi, j'avais pensé à L'Intérieur, avec Béatrice Dalle, et parce que ça se passe à Noël aussi. Mmh. Et ça pouvait aussi faire Halloween, hein, celui-là. Ah oui, large. Mais je viens d'avoir une autre idée, je pense que je vais faire Gremlins. D'accord. Voilà. Ouais, Gremlins. Ça se passe à Noël aussi. Ben oui. Vrai. Très bien. Voilà. Donc, Gremlins. Et moi, je pense que je parlerai de Fantôme en fête avec Bill Murray. D'accord. Okay. C'est une variation de Scrooge. En français, c'est un conte de Noël, je crois, de Dickens. C'est ça. Voilà. Ok. C'est mon coussin. Eh ben, merci à vous. Et puis, portez-vous bien en attendant. À la prochaine. À la prochaine. Salut.